The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Crêpe. La crêpe. Cooking time. La cuisson. To mix. Mélanger. Whisk. Le fouet. Flour. La farine. Milk. Le lait. Lump. Le grumeau. Eggs. L'œuf. Sugar. Le sucre. Butter. Le beurre. Recipe. La recette. Spoon. La cuillère. Thick. Épais. Now, a bit faster. Recipe. La recette. Lump. Le grumeau. Sugar. Le sucre. Spoon. La cuillère. To mix. Mélanger. Spoon. La cuillère. Flour. La farine. Eggs. L'œuf. Flour. La farine. Butter. Le beurre. Eggs. L'œuf. Thick. Épais. Butter. Le beurre. Thick. Épais. Lump. Le grumeau. Butter. Le beurre. Sugar. Le sucre. To mix. Mélanger. Butter. Le beurre. Spoon. La cuillère. Milk. Le lait. Crêpe. La crêpe. Cooking time. La cuisson. Thick. Épais. Now, use the words in context. La cuisson. Pasta only requires a few minutes of cooking. Les pâtes ne demandent que quelques minutes de cuisson. Mélanger. To make this cocktail, all you need to do is mix vodka and tomato juice. Pour faire ce cocktail, il suffit de mélanger de la vodka et du jus de tomate. Épais. I took a thick blanket because it's going to be cold tonight. J'ai pris une couverture épaisse car il va faire froid cette nuit. La recette. That's my favorite recipe. C'est ma recette préférée. La cuillère. Add a teaspoon of cinnamon. Ajoute une cuillère à café de cannelle. La cuisson. Pasta only requires a few minutes of cooking. Les pâtes ne demandent que quelques minutes de cuisson. Mélanger. To make this cocktail, all you need to do is mix vodka and tomato juice. Pour faire ce cocktail, il suffit de mélanger de la vodka et du jus de tomate. Épais. I took a thick blanket because it's going to be cold tonight. J'ai pris une couverture épaisse car il va faire froid cette nuit.